Et me pondre au kilomètre de musique. Et puis des textes, des deux mots pas mal agencés. Et puis le tout enrobé dans des atours. Séducteur de gentil riff accrocheur, le poids c'est sur bien plaire à tout un matin d'auditeur. Je ne sais pas où tout cela finira. Je ne sais pas où tout cela finira par nous conduire vers un nul ou un bien éder, qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant encore, je prends des ponts. À tout va, je cherche les failles d'où le lien. J'en ai cette idée en électrique. Profiter de la donne et des troncs, bien ami les francs. Et je suis pas tout seul dans cette écoute, c'est fait des résultats, ça.